Ben, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Mon parcours pour la démocratie et la paix, en fait, vient surtout du fait que moi-même, j'ai traversé donc, une période très turbulente, très, très grave du Rwanda. Comme vous savez, le Rwanda a connu des massacres incommensurables donc, à partir de 1990. Où le Rwanda a été attaqué par des rebelles qui venaient de l'Ouganda et qui ont donc qui avaient des revendications bien sûr qui pouvaient être entendues par plusieurs. Et d'ailleurs à ce moment-là nous avons pensé que justement c'était peut-être des revendications fondées, mais par après on s'est aperçu que c'était une guerre de pouvoir. Et cette guerre de pouvoir a duré pendant 4 ans, qui a culminé jusqu'à ce qu'il y ait des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre jusqu'en 1994, là où, à ce moment-là, il y a eu toute la population du Rwanda qui a fui vers l'extérieur, parce que justement, ces rebelles du Front patriotique rwandais avait pris le pouvoir au Rwanda. Donc c'était pour la prise totale du pouvoir et non pas vraiment pour le partage du pouvoir comme on l'avait cru auparavant. Et à ce moment-là, moi j'étais obligée aussi de fuir le pays et m'en aller exiler, donc m'exiler dans les camps de réfugiés au Congo. Et c'est dans les camps de réfugiés au Congo et avant cela bien sûr que j'avais pris vraiment que j'avais pris conscience de toute l'ampleur et des conséquences que toute cette guerre a causé sur le peuple rwandais. Et c'est dans les camps des réfugiés, là j'ai mesuré aussi les conséquences, autres conséquences dont on ne parle pas, sur donc, les assassinats des réfugiés dans les camps de réfugiés, ce qu'on n'aurait jamais pensé, parce qu'on pensait que quand on est réfugié, on est sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies, donc on est protégé, ce qui n'a pas été le cas. Et jusqu'à, on parle de 250 000 morts, donc c'est énorme. Alors j'ai vu aussi des enfants qui, seuls, erraient, qui avaient perdu leurs parents, soit parce qu'ils étaient morts ou complètement séparés. Et ça fait donc des conséquences dramatiques que je ne peux pas oublier. Et pour cela, je me suis dit, moi aussi, je dois faire quelque chose pour que, enfin, un jour, la paix puisse être rétablie et que plus jamais de choses pareilles ne puissent arriver. Je fais donc ma part, un petit peu. Vous pouvez nous présenter Madame Victoire Ingabire Umuhoza et nous dire en quoi elle incarne le courage et le leadership dans sa démarche pacifique et démocratique de résolution de conflits. Parce que justement, il y a eu cette guerre de 90. Victoire Umuhoza, elle se trouvait en fait, pendant cette période 90-94, se trouvait en Hollande pour des raisons d'études. Donc elle était là pour ses études et où elle était partie, elle avait laissé son mari et ses enfants au Rwanda pour faire des études de cycle supérieur. Après, donc quand la guerre a éclaté, finalement elle ne pouvait pas revenir au Rwanda et donc elle a fait plutôt venir sa famille en Hollande, où la famille l'a rejoint. Elle était là avec son mari et ses 3 enfants, et s'est intéressée, bien sûr, à ce qui se passait dans son pays, et s'en est offusquée, s'est posé la question qu'est-ce que, justement, elle pouvait faire pour aider les Rwandais, vraiment, à revivre ensemble. Parce que, bon, quand elle était partie, il y avait quand même une certaine cohésion, mais à ce moment-là, c'était une coupure totale. Et alors, elle s'est engagée dans des mouvements de réconciliation, de se dire on peut faire quelque chose, on peut travailler sur des bonnes gouvernances, des bonnes façons de gouverner nos pays africains, notamment le Rwanda. Et elle s'est engagée donc dans des partis politiques. Donc, elle a créé avec d'autres réfugiés qui s'appellent les Forces démocratiques unies. Donc, c'est plusieurs forces, en fait, c'est plusieurs mouvements qui se sont mis ensemble. Et c'est avec donc, ce parti politique qu'elle a décidé de partir au Rwanda. pour qu'elle puisse aller se porter candidate au présidentiel, mais avec l'objectif surtout de mieux gouverner le Rwanda. Donc c'est comme ça qu'elle s'est portée alors candidate, voulait se porter candidate au présidentiel contre le président Paul Kagame. Là on est en 2010, c'est le parti en janvier 2010. Et là, c'est à ce moment-là, il fallait bien sûr qu'elle passe sur le processus administratif de faire inscrire son parti politique au Rwanda. Au Rwanda. Et après de se porter candidate au présidentiel. Mais ça n'a pas été possible. Dès qu'elle a mis les pieds sur le territoire rwandais, on l'a vraiment torpillé dans tous les sens. Alors que le président Kagame, lui, disait qu'il est ouvert à tous ceux qui voudraient participer à l'espace politique. Et au contraire, il a démontré qu'il n'est pas capable d'ouvrir l'espace politique, qui ne permettra à personne d'autre de participer à la gouvernance du pays. Alors que Victoire Moza était partie pacifiquement. Elle n'était pas armée, elle est partie pacifiquement. Et elle a fait même les premiers gestes vraiment très importants qu'elle a posés. Elle est allée au mémorial du génocide rwandais. Et là, elle a prononcé un discours. Et son discours, c'est un très très bon discours qu'on peut toujours retrouver facilement. Parce que là, elle a dit... voilà, je suis venue ici m'incliner devant les victimes du génocide, mais je voudrais également rappeler que toutes les victimes doivent être reconnues. Et je voudrais reconnaître la douleur de tous ceux qui ont été victimes de cette guerre impitoyable. Elle a dit qu'ils soient, de quelque ethnie qu'ils soient Tutsi, qu'ils soient Hutu, qu'ils soient toi. Ce sont des victimes de cette tragédie. Nous devons les reconnaître et les honorer. Ce sont ces propos qui ont contrarié le régime de Paul Kagame? Exactement, exactement. Ça, pour le régime de Paul Kagame, c'était insupportable. Insupportable dans le sens que eux, ils avaient fait croire au monde entier que les seules victimes sont les Tutsis. Alors que... Après plusieurs années, après plusieurs enquêtes, il a été prouvé, et c'est clair aujourd'hui, que les victimes sont de toutes les ethnies. Et que donc, pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut reconnaître que toutes les ethnies ont subi des conséquences néfastes de cette guerre, et qu'il faut les reconnaître, et qu'il faut chercher plutôt une façon de vivre ensemble. Victoire, Ingabire prenait le vivre ensemble, que là, Paul Kagame n'a pas supporté du tout. En fait, il ne voulait pas du tout qu'elle puisse faire inscrire son parti politique pour l'empêcher justement de se porter candidate. Et c'est tellement qu'ils ont aussi mesuré hein, qu'elle avait vraiment une carrière politique, donc de pouvoir amener de bonnes idées et de pouvoir changer la gouvernance du pays. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que nous disposons d'un ouvrage de Victoire Ingabire Umuhoza qui s'intitule « Entre les quatre murs du 1930 ». 1930, vous la désignez la prison du Rwanda, qu'on surnomme prison de 1930. Et c'est incroyable de voir que justement Victoire Ingabire Umuhoza a pu sortir ses notes, ce sont ses propres notes, où elle raconte sa vie en prison, où elle raconte son procès, qui a été très très dur pour elle, où justement elle parle de sa condamnation injuste, parce qu'aujourd'hui elle est condamnée à 15 ans de prison, imaginez-vous. Donc elle était condamnée au départ à 8 ans de prison, elle a fait appel parce que son procès était complètement injuste, et elle a été condamnée alors par la Cour suprême, c'est comme pour dire voilà, maintenant, taisez-vous. On ne veut même plus entendre une voix de vous. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. Juste pour des accusations préfabriquées. Parce qu'elle raconte dans son livre son procès. Et même les témoins qui étaient justement préfabriqués, puisque c'était des témoins que l'on avait, disons, achetés pour qu'ils puissent témoigner contre elle, soi-disant qu'elle a l'idéologie génocidaire, qu'elle a comploté contre l'État, donc complot contre l'État. Et ces témoins se sont même désistés au cours des procès. Donc, mais malgré tout, le régime, je dis le régime, mais c'est un bon lapsus parce que c'est soi-disant la justice, mais le système judiciaire, mais en réalité c'est le régime, parce que c'est politique, et l'a condamné à 15 ans de prison. Et d'ailleurs, ça a été dénoncé, tout celui qui voudrait vraiment voir combien ce procès était politique peut aussi voir Amnesty International, avec simplement les mots de recherche Amnesty International, Ngabire Umuhoza, vous allez voir beaucoup de pages, vous pouvez voir Human Rights Watch, vous allez voir que toutes ces organisations ont dénoncé ce procès. Ce qui est dit ici, ça a été dénoncé par plusieurs organisations, ça a été dénoncé même par aussi l'Union européenne. Donc, elle a eu le courage, parce que c'est aussi encore beaucoup de courage, de mettre ça sur du papier et de l'envoyer à l'extérieur. Et ça a pu faire un ouvrage maintenant qui est disponible pour nous, ce qui lui a valu aussi encore, bien sûr, un resserrement des services de surveillance du gouvernement en place. Mais c'est formidable, parce que c'est formidable. Cette fois-ci, on a aussi ce livre qui reprend tout ce processus. Et on a aussi un message qui m'a vraiment, moi, personnellement, impressionnée. Du fond de ma cellule, je pense à ce grand jour où mon fils Ritz, ça c'est son petit garçon aujourd'hui, aura déjà eu ses 20 ans. Et mes jeunes compagnons auront dépassé la quarantaine. Je pense à mes amis de la même génération et à nos aînés. Le jour de nos retrouvailles, si Dieu nous prête vie. Vous constaterez tous que mes convictions n'auront pas été altérées par mon séjour en prison. Je vous parlerai encore de l'espoir. Je vous parlerai en toute connaissance de cause de notre chère patrie, notre trésor commun à nous tous. Je vous dirai que ce Rwanda, que nous devons tous aimer, ne sera fort que si nous sommes réunis, qu'il ne sera fort que si nous restons unis. Je vous dirai que la paix et la solidarité des Rwandais est la seule voie de réussite, la seule voie pour rendre notre pays reconnaissable en Afrique et dans le monde. Je vous demanderai de gommer cette image du Rwanda synonyme du mal et de l'injustice. Je vous demanderai d'unir nos efforts pour un peuple réconcilié dans un état de droit. Que le pouvoir de Kigali décide de me retenir en captivité ou non, rien n'arrêtera le vent du changement. La marche vers l'idéal démocratique est en route dans notre chère patrie. Je suis consciente qu'elle n'est pas aisée, que le parcours comporte beaucoup d'obstacles à franchir, que le chemin sera probablement long. Il faut nous armer de patience, faire preuve d'une volonté et d'une détermination inébranlable pour que le changement souhaité puisse se matérialiser. Alors vous voyez, devant une personne comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci Perpétue Muramutsi pour cette entrevue avec nous à Amandla. Est-ce que je peux vous demander, pour terminer, un mot de la fin? Merci beaucoup. Le mot de la fin que je souhaiterais vraiment dire, c'est souhaiter que chacun de nous, chaque Africain, chaque Africaine, puisse comprendre que nous n'avons aucun intérêt au conflit. C'est à nous de trouver des solutions et de ne pas avoir peur non plus de questionner ceux qui causent ces conflits, qu'ils soient de chez nous, qu'ils soient d'ailleurs. Oser pointer du doigt et oser les dénoncer et oser dire la vérité pour que la justice triomphe.